Le livre d'Esther. Au temps d'Assuérus, qui régna depuis les Indes jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces, lorsqu'il s'assit sur le trône de son royaume, Suse était la capitale de son empire. La troisième année de son règne, il fit un festin magnifique à tous les princes et à ses serviteurs, aux plus braves d'entre les Perses et les Mèdes, et aux gouverneurs des provinces, étant lui-même présent, pour montrer la gloire et les richesses de son empire et la grandeur et l'éclat de sa puissance. Ce festin dura longtemps, pendant 180 jours. Et lorsque les jours de ce festin s'achevaient, le roi invita tout le peuple qui se trouva dans Suse, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et il ordonna qu'on préparât un festin pendant 7 jours dans le vestibule de son jardin et d'un parc qui avait été planté de la main des rois avec une magnificence royale. On avait tendu de tous côtés des tapisseries de fin lin, de couleur de bleu céleste et d'hyacinthe, qui étaient soutenues par des cordons de lin et de pourpre passés dans des anneaux d'ivoire et attachés à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent étaient rangés en ordre sur un pavé de porphyre et de marbre blanc qui était embelli de plusieurs figures avec une admirable variété. Ceux qui avaient été invités buvaient dans des coupes d'or et les mets étaient servis dans des vases de différentes formes. On y présentait aussi d'excellents vins et en grande abondance comme il convenait à la magnificence royale. Nul ne contraignait à boire ceux qui ne le voulaient pas, mais le roi avait ordonné que l'un des grands de sa cour présidât à chaque table afin que chacun prît ce qui lui plairait. La reine Vasti fit aussi un festin aux femmes dans le palais que le roi Assuérus avait coutume d'habiter. Le 7e jour, lorsque le roi était plus gai qu'à l'ordinaire et dans la chaleur du vin qu'il avait bu avec excès, il commanda à Mahumam, Bazata, Arbona, Bagata, Abgata, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient en sa présence, de faire venir devant le roi la reine Vasti avec le diadème sur sa tête pour montrer sa beauté à tous ses peuples et aux princes car elle était extrêmement belle. Mais elle refusa et dédaigna de venir selon le commandement que le roi lui en avait fait par ses eunuques. Alors le roi, irrité et tout transporté de fureur, consulta les sages qui étaient toujours auprès de lui, selon la coutume royale, et par le conseil desquels il faisait toutes choses parce qu'il savait les lois et les ordonnances anciennes. Les premiers et les plus proches du roi étaient Carcena, Sétar, Admata, Tarsis, Marès, Marsana et Mamucan, 7 princes des Perses et des Mèdes qui voyaient la face du roi et qui avaient coutume de s'asseoir les premiers après lui. Il leur demanda quelle peine méritait la reine Vasti, qui n'avait point obéi à l'ordre que le roi lui avait transmis par ses eunuques. Et Mamucan répondit en présence du roi et des princes. « La reine Vasti n'a pas seulement offensé le roi, mais encore tous les peuples et tous les princes qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. » Car cette conduite de la reine sera connue de toutes les femmes qui mépriseront leur mari en disant « Le roi Assuérus a commandé la reine Vasti de se présenter devant lui et elle s'y est refusée. Et à son imitation, les femmes de tous les princes des Perses et des Mèdes mépriseront les ordres de leur mari. Ainsi, la colère du roi est juste. Si donc vous l'agréez, qu'il se fasse un édit par votre ordre et qu'il soit écrit selon la loi des Perses et des Mèdes qu'il n'est pas permis de violer, que la reine Vasti ne paraîtra plus devant le roi, mais qu'une autre, qui en sera plus digne qu'elle, recevra sa dignité de reine, et que cet édit soit publié dans toute l'étendue des provinces de votre empire, afin que toutes les femmes, tant des grands que des petits, rendent honneur à leur mari. Ce conseil plut au roi et au prince, et le roi se conforma à l'avis de Mamucan. Et il envoya des lettres à toutes les provinces de son royaume en diverses langues et écritures, selon que les divers peuples pouvaient les comprendre et les lire, ordonnant que les maris fussent les maîtres et les chefs dans leurs maisons, et que cet édit fût publié parmi tous les peuples. « Ces choses s'étant ainsi passées, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il se ressouvint de Vasti et de ce qu'elle avait fait et de ce qu'elle avait souffert. Alors les serviteurs et les ministres du roi lui dirent « Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles, et qu'on envoie dans toutes les provinces des officiers qui découvriront les plus belles d'entre les jeunes filles vierges, pour les amener dans la ville de Suse et les mettre dans le palais des femmes sous la conduite de l'eunuque Égée, qui est chargé de garder les femmes du roi. Là, elles recevront tout ce qui leur est nécessaire, tant pour leur parure que pour leurs autres besoins. Et celle qui plaira davantage aux yeux du roi sera reine à la place de Vasti. » Cet avis plut au roi, et il leur ordonna de faire ce qu'il lui avait conseillé. Il y avait alors dans la ville de Suse un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Séméi, fils de Sis de la race de Gémini, qui avait été emmené de Jérusalem au temps où Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait déporté Jéconias, roi de Juda. Il avait élevé auprès de lui la fille de son frère, Édissa, qui portait aussi le nom d'Esther. Elle avait perdu son père et sa mère. Elle était parfaitement belle et avait un visage très gracieux. Après la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour sa fille. Lorsqu'on eut publié cette ordonnance du roi, et que, d'après cet édit, beaucoup de belles jeunes filles eussent été amenées à Suse et confiées à l'eunuque Égée, Esther lui fut aussi confiée avec les autres jeunes filles, afin qu'elle fût mise au nombre des femmes destinées au roi. Elle lui plut et trouva grâce devant lui. Et il ordonna à l'eunuque de lui préparer promptement sa parure et de lui donner sa part d'aliments, et sept jeunes filles très belles de la maison du roi, et de la parer et de la soigner, elle et ses suivantes. Elle ne voulut point lui indiquer son pays et sa patrie, parce que Mardoché lui avait ordonné de tenir ces détails très secrets. Il se promenait tous les jours devant le vestibule de la maison où étaient gardées les vierges choisies, se mettant en peine de l'état d'Esther et voulant savoir ce qui lui arriverait. Or, lorsque le temps de ces jeunes filles était venu, elles étaient présentées au roi, chacune à son tour, après avoir accompli, pendant l'espace de 12 mois, tout ce qui concernait leur parure. Durant les 6 premiers mois, elles employaient une onction d'huile de myrrhe, et pendant les 6 autres, divers parfums et aromates. Et lorsqu'elles entraient auprès du roi, on leur donnait tout ce qu'elles demandaient pour se parer, et elles passaient de l'appartement des femmes à la chambre du roi, ornée comme elle l'avait désiré. Celle qui était entrée le soir en sortait le matin, et de là, elle était conduite dans d'autres appartements, où demeuraient les concubines du roi, sous la surveillance de l'eunuque Susagazi, et elle ne pouvait plus revenir auprès du roi, à moins que lui-même ne le voulût, et qu'il ne lui demandait nommément. Après donc qu'il se fut écoulé quelque temps, le jour vint où Esther, fille d'Abihaïl, frère de Mardoché, que celui-ci avait adopté pour sa fille, devait être à son tour présentée au roi. Elle ne demanda rien pour se parer, mais l'eunuque Égée, gardien des jeunes filles, lui donna comme parure tout ce qu'il voulut. Car elle était très bien faite, et son incroyable beauté la rendait aimable et agréable aux yeux de tous. Elle fut donc conduite à la chambre du roi Assuérus, au 10e mois, nommée Tébet, la 7e année de son règne. Et le roi l'aima plus que toutes ses femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes ses femmes. Et il mit sur sa tête le diadème royal, et il la fit reine à la place de Vasti. Et le roi ordonna qu'on fît un festin très magnifique à tous les princes et à tous ses serviteurs pour le mariage et les noces d'Esther. Et il accorda du repos à toutes ses provinces, et il fit des présents d'une magnificence princière. Et lorsqu'on chercha et qu'on rassembla pour la seconde fois des jeunes filles, Mardoché était encore à la porte du roi. Et Esther n'avait révélé ni son pays, ni son peuple, selon l'ordre de Mardoché. Car Esther observait tout ce qu'il lui ordonnait, et elle agissait en tout comme elle avait coutume de faire au temps où il la nourrissait petit enfant. Au temps donc où Mardoché demeurait à la porte du roi, Bagatan et Tarès, deux eunuques du roi, gardiens des portes et qui commandaient à la première entrée du palais, voulurent, dans un mouvement de colère, s'insurger contre le roi et le tuer. Mardoché en eut connaissance, et il l'annonça aussitôt à la reine Esther, et celle-ci au roi, au nom de Mardoché, de qui elle l'avait appris. On fit l'instruction, et la chose fut prouvée, et ils furent l'un et l'autre pendus à la potence, et ceci fut écrit dans les histoires et marqué dans les annales en présence du roi. Après cela, le roi Assuérus éleva Aman, fils d'Amadati, qui était de la race d'Agag, et il plaça son trône au-dessus de tous ceux des princes qu'il avait auprès de lui. Et tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du palais fléchissaient les genoux et adoraient Aman, car le roi le leur avait commandé. Seul Mardoché ne fléchissait point le genou et ne l'adorait pas. Et les serviteurs du roi qui commandaient à la porte du palais lui dirent « Pourquoi n'observez-vous pas l'ordre du roi comme les autres ?» Et comme il lui disait cela souvent et qu'il ne voulait pas les écouter, ils en avertirent Aman, voulant savoir s'il persévérerait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Lorsqu'Aman eut entendu cela, et qu'il eut reconnu par expérience que Mardoché ne fléchissait point le genou devant lui et ne l'adorait point, il entra dans une violente colère. Mais il compta pour rien de porter la main seulement sur Mardoché, et ayant su qu'il était juif, il aima mieux perdre la nation entière des juifs qui était dans le royaume d'Assuérus. La 12e année du règne d'Assuérus, au premier mois, nommé Nisan, le sort, qui s'appelle en hébreu Fur, fut jeté dans l'urne en présence d'Aman pour tirer le mois et le jour où l'on devait faire périr la nation juive. Et c'est le 12e mois appelé Adar qui sortit. Et Aman dit au roi Assuérus, « Il y a un peuple dispersé par toutes les provinces de votre royaume et divisé lui-même, usant de lois et de cérémonies nouvelles et de plus méprisant les ordres du roi. Et vous savez très bien qu'il est de l'intérêt de votre royaume que la licence ne le rende pas plus insolent encore. » Ordonnez donc, s'il vous plaît, qu'il périsse, et je payerai 10 000 talents aux officiers de votre trésor. » Alors, le roi tira de son doigt l'anneau dont il se servait, et il le donna à Aman, fils d'Amadati, de la race d'Agag, ennemi des Juifs. Et il lui dit, « Que l'argent que vous me promettez soit pour vous. Faites du peuple ce qu'il vous plaira. » Au premier mois, appelé Nisan, le 13e jour de ce même mois, on fit venir les secrétaires du roi et l'on écrivit au nom du roi Assuérus, selon qu'Aman l'avait ordonné, à tous les satrapes du roi et aux juges des provinces et des diverses nations, de sorte que chaque peuple pût lire et comprendre selon la variété de son langage. Et les lettres furent scellées de l'anneau du roi et envoyées par les courriers du roi dans toutes les provinces, afin qu'on tuât et qu'on exterminât tous les juifs, depuis l'enfant jusqu'au vieillard, les petits-enfants et les femmes, en un même jour, c'est-à-dire le 13e jour du 12e mois appelé Adar, et qu'on pilla leurs biens. C'est ce que contenaient ces lettres, afin que toutes les provinces fussent averties et qu'elles se tinssent prêtes pour ce jour-là. Les courriers qui avaient été envoyés allaient en toute hâte pour exécuter les ordres du roi. Et aussitôt l'édit fut affiché dans Suse. Et le roi et Aman étaient en festin, et tous les juifs qui étaient dans la ville pleuraient. Mardoché, ayant appris ces choses, déchira ses vêtements, se revêtit d'un sac et se couvrit la tête de cendres. Et il poussait de grands cris dans la place du milieu de la ville, manifestant l'amertume de son cœur. Il vint donc, en se lamentant ainsi, jusqu'à la porte du palais, car il n'était pas permis d'entrer revêtu d'un sac dans le palais du roi. Dans toutes les provinces et les villes, et dans tous les lieux où était parvenu le cruel édit du roi, il y avait aussi chez les Juifs un deuil extrême et des jeûnes, des lamentations et des pleurs, et beaucoup se servaient de sacs et de cendres au lieu de lits. Or, les suivantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui apporter ces nouvelles. Elle fut consternée en les apprenant, et elle envoya un vêtement à Mardoché, afin qu'il ôtât son sac et s'en revêtît. Mais il ne voulut pas le recevoir. Et elle appela Attaque, l'eunuque que le roi lui avait donné pour la servir, et elle lui commanda d'aller auprès de Mardoché et de savoir de lui pourquoi il agissait ainsi. Et Attaque alla aussitôt vers Mardoché, qui était sur la place de la ville, devant la porte du palais. Mardoché lui indiqua tout ce qui était arrivé et comment Haman avait promis de livrer beaucoup d'argent au trésor du roi pour le massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit qui était affiché dans Suse pour qu'il la fît voir à la reine et pour qu'il l'avertît d'entrer chez le roi et d'intercéder pour son peuple. Attaque revint et rapporta à Esther tout ce qu'avait dit Mardoché. Elle lui répondit et lui ordonna de dire à Mardoché « Tous les serviteurs du roi et toutes les provinces de son empire savent que qui que ce soit, homme ou femme, qui entre dans la cour intérieure du roi sans y avoir été appelé, est aussitôt mis à mort sans aucun délai, à moins que le roi n'étende vers lui son sceptre d'or en signe de clémence et qu'il ne lui sauve ainsi la vie. Comment donc pourrais-je entrer chez le roi, moi qui, depuis déjà 30 jours, n'ai pas été appelé auprès de lui ?» Lorsque Mardoché eut entendu cette réponse, il envoya dire encore à Esther « Ne croyez pas que vous sauverez seule votre vie d'entre tous les Juifs, parce que vous êtes dans la maison du roi. Car si vous vous taisez maintenant, les Juifs seront délivrés par quelque autre moyen, et vous périrez, vous et la maison de votre père. Et qui sait si ce n'est point pour cela même que vous êtes parvenu à la royauté, afin de pouvoir agir en de tels temps que celui-ci. » Alors, Esther fit faire de nouveau cette réponse à Mardoché. « Allez, assemblez tous les Juifs que vous trouverez dans Suse et priez pour moi. Ne mangez point et ne buvez point pendant 3 jours et 3 nuits, et je jeûnerai de même avec mes servantes. Et ensuite, j'entrerai chez le roi malgré la loi et sans être appelé, m'abandonnant au péril et à la mort. » Mardoché s'en alla donc, et il fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Et le troisième jour, Esther se revêtit de ses habits royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, en face de la chambre du roi. Il était assis sur son trône dans la salle d'audience du palais, en face de la porte de la maison. Et lorsqu'il vit la reine Esther debout, elle plut à ses yeux, et il étendit vers elle le sceptre d'or qu'il avait à la main. Esther, s'approchant, baisa l'extrémité du sceptre, et le roi lui dit « Que voulez-vous, reine Esther ? Que demandez-vous ? Quand vous me demanderiez la moitié de mon royaume, je vous la donnerai. » Et elle répondit, « S'il plaît au roi, je le supplie de venir aujourd'hui au festin que je lui ai préparé, et Haman avec lui. » Et le roi dit aussitôt, « Qu'on appelle Haman, afin qu'il obéisse à la volonté d'Esther. » Le roi et Haman vinrent donc au festin que la reine leur avait préparé. Et le roi lui dit, après avoir bu beaucoup de vin, « Que désirez-vous que je vous donne ? Et que demandez-vous ? Quand vous me demanderiez la moitié de mon royaume, je vous la donnerai. » Esther lui répondit, « Voici ma demande et ma prière. Si j'ai trouvé grâce devant le roi, et s'il lui plaît de m'accorder ce que je demande et de réaliser ma prière, que le roi et Haman viennent au festin que je leur ai préparé, et demain je déclarerai au roi ce que je souhaite. » Haman sortit donc ce jour-là content et plein de joie. Mais lorsqu'il vit que Mardoché, qui était assis devant la porte du palais, non seulement ne s'était pas levé devant lui, mais ne s'était même pas remué de la place où il était, il en fut vivement indigné. Et dissimulant sa colère, il retourna chez lui et convoqua auprès de lui ses amis et Zarès, sa femme. Et il leur exposa la grandeur de ses richesses, le grand nombre de ses enfants et la haute gloire à laquelle le roi l'avait élevé au-dessus de tous ses princes et de ses serviteurs. Et il dit ensuite, « La reine Esther n'a invité personne autre que moi au festin qu'elle a fait au roi, et je dois encore dîner demain chez elle avec le roi. Mais, quoique j'aie tout cela, je croirai n'avoir rien tant que je verrai le juif Mardoché assis devant la porte du roi. » Zarès, sa femme, et tous ses amis lui répondirent « Ordonnez qu'on dresse une potence élevée de 50 coudées de haut et demandez demain matin au roi que Mardoché y soit pendu, et vous irez ainsi plein de joie au festin avec le roi. » Ce conseil lui plut, et il ordonna de préparer une croix gigantesque. Le roi passa cette nuit-là sans dormir, et il ordonna qu'on lui apportât les histoires et les annales des temps précédents. Et comme on les lisait devant lui, on en vint à ce passage où il était écrit de quelle manière Mardoché avait révélé la conspiration des eunuques Bagatan et Tarès, qui avaient voulu assassiner le roi Assuérus. Lorsque le roi eut entendu ces choses, il dit « Quel honneur et quelle récompense Mardoché a-t-il reçu pour cette fidélité ?» Ses serviteurs et ses officiers lui dirent « Il n'a reçu absolument aucune récompense. » Et le roi dit aussitôt « Qui est dans le parvis ?» Or Haman était entré dans la cour intérieure de la maison royale pour suggérer au roi d'ordonner que Mardoché fût attaché à la potence qui lui avait été préparée. Les serviteurs répondirent « Haman est dans le parvis. » Et le roi dit « Qu'il entre. » Et lorsqu'il fut entré, le roi lui dit « Que doit-on faire à un homme que le roi désire honorer ?» Haman, pensant en lui-même et s'imaginant que le roi n'en voulait point honorer d'autre que lui, répondit « L'homme que le roi veut honorer doit être revêtu des habits royaux, placé sur le cheval que le roi monte et recevoir le diadème royal sur sa tête, et il faut que le premier des princes et des dignitaires royaux tienne son cheval et que, marchant devant lui à travers la place de la ville, il crie « Ainsi sera honoré celui qu'il plaira au roi d'honorer. » Et le roi lui dit « Hâtez-vous, prenez le vêtement royal et le cheval, et ce que vous avez dit, faites-le au juif Mardoché qui est assis à la porte du palais. Prenez garde de ne rien omettre de tout ce que vous venez de dire. » Haman prit donc le vêtement et le cheval, et ayant revêtu Mardoché dans la place de la ville et l'ayant fait monter sur le cheval, il marchait devant lui et criait « C'est ainsi que mérite d'être honoré celui qu'il plaira au roi d'honorer. » Et Mardoché revint à la porte du palais, et Haman se hâta d'aller à sa maison, désolé et la tête voilée. Et il raconta à Zarès, sa femme, et à ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Les sages dont il prenait conseil et sa femme lui répondirent « Si ce Mardoché devant lequel vous avez commencé de tomber est de la race des Juifs, vous ne pourrez lui résister, mais vous tomberez devant lui. » Tandis qu'il parlait encore, les eunuques du roi survinrent et l'obligèrent d'aller aussitôt au festin que la reine avait préparé. Le roi et Haman entrèrent donc pour boire avec la reine. Et le roi lui dit encore ce second jour, dans la chaleur du vin, « Que me demandez-vous, Esther, et que voulez-vous que je fasse? Quand vous me demanderiez la moitié de mon royaume, je vous la donnerai. » Esther lui répondit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ô roi, accordez-moi, s'il vous plaît, ma propre vie, pour laquelle je vous supplie, et celle de mon peuple pour lequel j'intercède. Car nous avons été livrés, moi et mon peuple, pour être foulés aux pieds, pour être égorgés et exterminés. Et plût à Dieu qu'on nous vendît comme esclaves et servantes. Ce serait un mal supportable, et je me tairais en gémissant. Mais maintenant, nous avons un ennemi dont la cruauté retombe sur le roi même. » Et le roi Assuérus lui répondit, « Qui est celui-là, et quelle est sa puissance pour qu'il ose faire cela ?» Et Esther dit, « Notre adversaire et notre ennemi, c'est ce cruel Haman. » En entendant cela, Haman fut tout interdit, ne pouvant supporter les regards du roi et de la reine. Mais le roi se leva irrité, et il alla du lieu du festin dans le jardin planté d'arbres. Haman se leva aussi pour supplier la reine Esther de lui sauver la vie,

ainsi, le 13e jour du 12e mois, que nous avons déjà dit auparavant se nommer Adar, lorsqu'on se préparait à tuer tous les Juifs et que leurs ennemis aspiraient à verser leur sang, les Juifs, au contraire, commencèrent à être les plus forts et à se venger de leurs adversaires. Ils s'assemblèrent dans toutes les villes, les bourgs et les autres lieux pour étendre la main sur leurs ennemis et leurs persécuteurs. Et nul n'osa résister, parce que la crainte de leur puissance avait pénétré dans tous les peuples. Car les juges des provinces, les gouverneurs et les intendants, et tous les dignitaires qui présidaient à chaque localité et aux affaires, soutenaient les Juifs par crainte de Mardoquée, qu'ils savaient être prince du palais et avoir beaucoup de pouvoir. La renommée de son nom croissait aussi de jour en jour et volait par toutes les bouches. Les Juifs firent donc un grand carnage de leurs ennemis et ils les tuèrent, leur rendant le mal qu'ils s'étaient préparés à leur faire. À ce point qu'ils tuèrent dans Suse même jusqu'à 500 hommes, outre les 10 fils d'Aman l'Agagite, ennemi des Juifs, dont voici les noms. Pharsandata, Delphon, Esphata, Forata, Adalia, Aridata, Fermesta, Arisaï, Aridaï et Jezata. Lorsqu'ils les eurent tués, ils ne voulurent pas toucher à leurs dépouilles et à leurs biens. On rapporta aussi au roi le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse. Et il dit à la reine, « Les Juifs ont tué 500 hommes dans la ville de Suse, outre les 10 fils d'Aman. Combien grand, croyez-vous, sera le carnage qu'ils font dans toutes les provinces? Que demandez-vous encore, et que voulez-vous que j'ordonne ?» Elle lui répondit, « S'il plaît au roi, que les Juifs reçoivent le pouvoir de faire encore demain dans Suse ce qu'ils ont fait aujourd'hui, et que les 10 fils d'Aman soient pendus à des gibets. » Et le roi ordonna que cela fût fait, et aussitôt l'édit fut affiché dans Suse, et les 10 fils d'Aman furent pendus. Les Juifs, s'étant assemblés, le 14e jour du mois d'Adar, ils tuèrent 300 hommes dans Suse sans vouloir piller leurs biens. Les Juifs se tinrent aussi prêts pour la défense de leur vie dans toutes les provinces qui étaient soumises à l'empire du roi, et ils tuèrent leurs ennemis et leurs persécuteurs de sorte qu'il y eut 75 000 morts et personne ne toucha à leurs biens. Or, le 13e jour du mois d'Adar fut pour tous le premier du massacre, et ils cessèrent le 14e jour. Ils ordonnèrent que celui-ci serait un jour de fête où on se livrerait désormais en tout temps au banquet, à la joie et au festin. Mais ceux qui étaient dans la ville de Suse avaient fait le carnage pendant le 13e et le 14e jour de ce même mois et n'avaient cessé qu'au 15e. C'est pourquoi ils le choisirent pour en faire une fête solennelle de festin et de réjouissance. Les Juifs, qui demeuraient dans les bourgs sans murailles et dans les villages, choisirent le 14e jour du mois d'Adar comme jour de festin et de joie, où ils se livrent à l'allégresse et s'envoient mutuellement des portions de leur repas et de leur mets. Mardoquée écrivit donc toutes ces choses, et il les envoya sous forme de lettres aux Juifs qui demeuraient dans toutes les provinces du roi, dans les plus proches et dans les plus éloignés, afin qu'ils acceptassent comme jour de fête le 14e et le 15e jour du mois d'Adar, et qu'ils les célébrassent tous les ans à perpétuité par des honneurs solennels. Parce que, en ces jours-là, les Juifs s'étaient vengés de leurs ennemis et que leur deuil et leur tristesse avaient été changés en allégresse et en joie, ces jours devaient être à la joie et au festin, et on devait s'envoyer mutuellement des portions de mets et donner aux pauvres de petits présents. Les Juifs établirent donc comme un rite solennel tout ce qu'ils avaient commencé de faire en ce temps-là et ce que Mardoquée leur avait ordonné de faire par ses lettres. Car Aman, fils d'Amadati, de la race d'Agag, ennemi déclaré des Juifs, avait médité du mal contre eux pour les tuer et les exterminer. Et il avait jeté le fur, ce qui, dans notre langue, se traduit par le sort. Mais Esther entra ensuite auprès du roi, le suppliant de rendre inutiles les efforts d'Aman par une nouvelle lettre et de faire retomber sur sa tête le mal qu'il avait résolu de faire aux Juifs. En effet, on l'attacha à une croix, lui et ses fils. Et depuis ces temps-là, ces jours ont été appelés furim, c'est-à-dire les sorts, parce que le fur, c'est-à-dire le sort, avait été jeté dans l'urne. Et tout ce qui se passa alors est contenu dans cette lettre, c'est-à-dire dans ce livre. Les Juifs dont, en mémoire de ce qu'ils avaient souffert et des changements survenus ensuite, s'obligèrent, eux et leurs enfants, et tous ceux qui voudraient se joindre à leur religion, à ne permettre à personne de passer ces deux jours sans solennité, selon ce qui est adressé dans cet écrit et ce qui s'observe exactement chaque année au temps destiné à cette fête. Ce sont ces jours que n'effacera jamais l'oubli et que toutes les provinces, d'âge en âge, célébreront par toute la terre. Et il n'y a point de ville en laquelle les jours de Furim, c'est-à-dire des sorts, ne soient observés par les Juifs et par leurs enfants qui sont obligés de pratiquer ces cérémonies. La reine Esther, fille d'Abihaïl, et le Juif Mardoché écrivirent encore une seconde lettre afin qu'on eût tout le soin possible d'établir ce jour comme une fête solennelle à l'avenir. Et ils l'envoyèrent à tous les Juifs qui demeuraient dans les 127 provinces du roi Assuérus afin qu'ils eussent la paix et qu'ils reçussent la vérité en observant ces jours des sorts et en les célébrant en leur temps avec joie. Les Juifs s'engagèrent donc, selon que Mardoché et Esther l'avaient ordonné, à observer, eux et leur postérité, les jeûnes, les cris et les jours des sorts et tout ce qui est contenu dans ce livre qui porte le nom d'Esther. Or le roi Assuérus se rendit toute la terre et toutes les îles de la mer tributaires. Et sa puissance et son empire, et le haut point de grandeur auquel il avait élevé Mardoché, sont écrits dans les livres des Mèdes et des Perses. Et comment Mardoché, juif de nation, devint le second après le roi Assuérus, et comment il fut grand parmi les Juifs, et aimé généralement de ses frères, cherchant le bien de sa nation, et ne parlant que pour procurer la paix de son peuple. Alors Mardoché dit, « C'est Dieu qui a fait ces choses. Je me souviens d'un songe que j'avais vu, qui signifiait toutes ces choses, dont rien n'est resté sans accomplissement. La petite fontaine qui s'accrut et devint un fleuve, et qui se changea en lumière et en soleil, et se répandit en eau abondante, c'est Esther que le roi épousa et qu'il voulut faire reine. Et les deux dragons, c'est moi et Amant. Les peuples qui s'assemblèrent, ce sont ceux qui ont tâché d'exterminer le nom des Juifs. Israël est mon peuple qui cria au Seigneur, et le Seigneur sauva son peuple, et il nous délivra de tous nos maux, et il fit des miracles et de grands prodiges parmi les nations. Et il ordonna qu'il y eut deux sorts, l'un du peuple de Dieu et l'autre de toutes les nations. Et ce double sort vint au jour marqué dès ces temps-là devant Dieu pour toutes les nations. Et le Seigneur se ressouvint de son peuple, et il eut compassion de son héritage. Et ces jours seront célébrés au mois d'Adar, le 14e et le 15e jour de ce même mois, avec zèle et avec joie, par le peuple réuni en assemblée dans toutes les générations futures du peuple d'Israël. » La quatrième année du règne de Ptolémée et de Cléopâtre, Dosithée, qui se disait prêtre et de la race de Lévi, et Ptolémée, son fils, apportèrent cette lettre des Furim, qu'ils disaient avoir été traduite à Jérusalem par Lysimaque, fils de Ptolémée. La seconde année du règne du très grand Artaxerxès, le premier jour du mois de Nisan, Mardoché, fils de Jaïr, fils de Séméi, fils de Cis de la tribu de Benjamin, eut un songe. C'était un juif qui demeurait dans la ville de Suse, homme puissant et des premiers de la cour du roi. Il était du nombre des captifs que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait transportés de Jérusalem avec Jéconias, roi de Juda. Et voici le songe qu'il eut. Il apparut des voix et du tumulte et des tonnerres et des tremblements de terre et des troubles sur la terre. Et voici deux grands dragons